Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Aujourd'hui, nous abordons la leçon 6. La phrase clé du jour est... Quel est votre numéro de téléphone? La dernière fois, une étudiante internationale, Anna, notre personnage principal, a amené sa tutrice, Sakura, dans sa chambre de dortoir. Aujourd'hui, elles poursuivent leur conversation. Écoutons le sketch de la leçon 6. Notre phrase clé aujourd'hui est... Quel est votre numéro de téléphone? Tokorode Anna-san, 電話番号は何番ですか? 080-1234 ありがとう! じゃあ、今度電話をしますね! Laissez-moi vous expliquer sur quoi porte le sketch. Sakura veut demander quelque chose à Anna, alors elle commence. ところで、アンナさん. À propos, Anna. ところで. À propos est une conjonction que l'on utilise lorsqu'on aborde un nouveau sujet et qu'on commence à en parler. Vous dites Anna-san. Quand vous parlez à Anna, puis elle demande ]電話番号は何番ですか? Quel est votre numéro de téléphone? C'est notre phrase clé aujourd'hui. ]電話番号. Signifie numéro de téléphone. Wa est la particule indiquant un sujet ou le marqueur de sujet. Sakura n'a pas dit « ton » lorsqu'elle a demandé son numéro de téléphone à Anna. Ce n'est pas un problème. « Nam » renvoie à une forme interrogative, « quel » et « bam » est un suffixe qui signifie « numéro ». Donc, si vous les mettez ensemble et que vous dites « nam bam », vous pouvez demander « quel est le numéro ?»« Des » est un mot poli qui conclut la phrase. Pour donner une forme interrogative à une phrase grâce à « des », vous devez mettre la particule ka après des. Nous avons vu nan dans la leçon 2. Nous avons appris kore wa nan desu ka. Qu'est-ce que c'est? Vous avez une bonne mémoire, Mélanie. Denwa bango wa nanban desu ka? Quel est votre numéro de téléphone est une expression utile. Alors, exerçons-nous à la dire. N'oubliez pas de la dire en haussant votre intonation. ]電話番号は何番ですか? Anna répond ]えっと. Eh bien, quand vous dites ]えっと. Vous allongez le ]えっと. Pour ma part, je dis souvent ]えっと. C'est une expression pratique. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous souhaitez dire quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à trouver le mot immédiatement. Anna essaie de se souvenir de son numéro de téléphone et dit 080-1234 080-1234 Aujourd'hui, nous allons apprendre les nombres de 0 à 10. Comment dit-on 0? D. On dit aussi 0. Ensuite, comment dit-on 1? 1. Et 2? 2. 3? 3. 4? 4. Mais nous disons aussi 6. 5, c'est... 5. 6. 6. 7. 7. On dit aussi... 7. 8. 8. 9. 9. Ou... 9. Et enfin, 10. 10. Répétons-les selon ce modèle. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Répétez-les fréquemment. Après avoir obtenu le numéro de téléphone d'Anna, Sakura dit « Arigato ». Merci. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Ja, kondo denwa o shimasu ne. Alors la prochaine fois, je vous téléphonerai. Ja signifie « alors ». C'est une façon informelle de lier deux phrases. Alors, que peut-on dire si l'on souhaite être plus poli? Nous dirions « Sore dewa » ou « dewa ». Kondo signifie cette fois ou la prochaine fois. Dans le cas présent, sakura veut dire la prochaine fois. Denwa signifie téléphone. O indique l'objet d'une action. Shimasu est un verbe qui signifie faire quelque chose. On peut utiliser la forme verbale mas non seulement pour dire ce que l'on fait au moment présent, mais aussi ce qu'on fera dans le futur. Vous utilisez ne, une particule à la fin d'une phrase, quand vous et la personne qui vous écoute parlez de quelque chose que vous connaissez bien tous les deux. Cela s'appelle un marqueur de confirmation. Ici, je, le sujet est omis, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté. Comment peut-on utiliser shimasu? Vous pouvez parler de plusieurs actions en les combinant avec des substantifs. Par exemple, vous pouvez le combiner avec benkyō, étude, et dire benkyō o shimasu, j'étudie. Aussi, vous pouvez le combiner avec ryōri, cuisine, et dire ryōri o shimasu, je cuisine. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 6. Notre phrase clé du jour est denwa bango wa nanban desu ka? Quel est votre numéro de téléphone? ところでアンナさん、電話番号は何番ですか？080-1234。ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 Passons maintenant à notre rubrique intitulée Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Vous avez une question, Mélanie? Je me demandais, quand on écrit la particule « wa » en hiragana, on utilise le signe « ha » plutôt que « wa », alors qu'on prononce « wa ». Pourquoi? Demandons à notre professeur. Le marqueur de sujet « wa » se prononçait et s'appelait autrefois « ha ». La prononciation a changé graduellement pour devenir « wa », mais on l'appelle toujours « ha ». On peut dire la même chose au sujet de « wa » dans « konnichiwa ». Bonjour. On le prononce « wa », on l'appelle « ha ». À l'origine, ce mot était composé du mot qui signifie « aujourd'hui » et de l'ancien marqueur de sujet « ha », lequel est devenu « wa ». On l'utilise souvent pour entamer la conversation dans le sens de « parler d'aujourd'hui ». De nos jours, « konnichiwa » est une salutation en un mot assez courante. Dans le cas de « denwa o shimasu », »,« je vous téléphonerai », la particule « o » se prononçait différemment dans le passé. Maintenant, on la prononce « o ». Mais quand on l'écrit, on continue d'utiliser l'ancien signe, qui devrait se prononcer différemment. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Les mots descriptifs des sons » qui vous permet de découvrir ces mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Êtes-vous capable d'imaginer ce qu'il y a derrière ce son? Plululu. C'est le son d'un téléphone? C'est juste. Ne faites pas vibrer vos R quand vous prononcez « lu » dans « plululu ». Et qu'en est-il pour celui-ci? C'est également le son d'un téléphone? Oui. Lin. Lin est la sonnerie d'un téléphone à cadran. On peut l'utiliser également pour décrire le son d'un réveil. Dans notre rubrique « Les mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous avons parlé des sons suivants. Plululu. Et Lin. Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la rubrique « Les tweets d'Anna ». Quand je reçois un appel téléphonique, je suis censée dire « moshi moshi » et dire mon nom. J'ai envie de dire « Hi moshi moshi, Anna des ». J'espère que quelqu'un va m'appeler bientôt. La leçon 6 vous a plu? Aujourd'hui, nous avons appris les nombres de 0 à 10. Notre phrase clé du jour était « 電話番号は何番ですか? » Quel est votre numéro de téléphone? Dans notre prochaine leçon, Anna et Sakura iront faire des courses. Ne manquez pas notre prochaine leçon.